بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, aujourd'hui c'est le cours 16 dans les méfaits de la démocratie et le titre du livre c'est Al-Adilatu Shari'a, les kashf al-talbisat al-hizbiyya et on est dans le livre du Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi. On est en train d'expliquer maintenant la réfutation des points précis ou les arguments spécifiques sur lesquels les gens de Hizbiyya se basent pour essayer de justifier et de défendre la démocratie. Et parmi les arguments qu'ils utilisent, c'est l'argument de la Shura. Ils prétendent que la Shura, ça correspond à la démocratie. Et Shura, qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est la consultation. Et il y a plusieurs versets dans le Coran qui nous incitent à nous consulter entre nous, entre les croyants. Mais bien entendu, la compréhension de ces versets-là, tels qu'ils ont été interprétés par les imams de l'islam depuis des siècles, depuis les premiers siècles de l'islam jusqu'à aujourd'hui, hein, on trouve que c'est une compréhension et une interprétation claire qui correspond aux principes et aux règles de l'islam, tandis que certains parmi les groupes déviés aujourd'hui essaient d'utiliser ce principe-là ou ces règles-là qui ont rapport avec Ashura, puis de dire que ça correspond à la démocratie. Bon, on a montré déjà la semaine passée que tout ça c'est faux, mais on va continuer à donner d'autres explications, puis d'autres interprétations des savants de tafsir qui montrent que cette interprétation-là est fausse, c'est-à-dire l'interprétation de ces groupes-là. Mais avant de commencer à expliquer ça tout de suite, j'aimerais juste faire un petit rappel sur un sujet qui est relié à ça, mais qui est plus général. Et ce sujet-là, c'est quoi? C'est en fait le fait qu'à l'époque actuelle, il y a beaucoup de fitan, il y a beaucoup de désordres, de tribulations, d'épreuves, de difficultés pour les croyants. Et donc, il faut en fait, à l'époque actuelle, avoir un cœur très ferme. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment demander à Allah subhanahu wa ta'ala la fermeté pour nous aider à rester sur ce manhaj et sur la vérité. Yani, subhanallah, quand on regarde par exemple les ulama de l'islam, comment ils prennent de leur temps, de l'énergie, pour répondre et réfuter les groupes d'égarement, les groupes de bid'a, ils prennent de leur temps pour écouter ce que ces gens-là disent, pour lire ce qu'ils écrivent dans leurs livres, pour essayer de voir leurs erreurs et de les clarifier, de les réfuter et de montrer leurs contradictions au texte et aux principes de l'islam. Donc tout ça, ça demande une patience incroyable, ça demande un savoir énorme, ça demande une fermeté et un cœur que Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi sur la foi, ça demande d'être éclairé et illuminé par la guidance et la lumière qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui vient de sa révélation. Donc tout ça, c'est des choses très très importantes. Et donc il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter justement sa grâce sur ses ulama, et aussi demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir le cœur pour nous garder toujours droit, toujours ferme sur la vérité, et sincère aussi envers lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut qu'on ait la sincérité et l'intention de vraiment vouloir savoir et connaître la réalité et la vérité dans le but de la suite. Si on a ça, Inch'Allah, on va arriver à la conclusion et à la vérité. Et donc, il faut faire preuve de fermeté à ce sujet-là. C'était juste un rappel que je voulais vous dire là-dessus, et en particulier à notre époque actuelle. Parce que les moyens de communication et les moyens de transmission des informations sont devenus tellement nombreux, et il y a tellement de contradictions qui sont circulées partout, et si les gens n'ont pas de base ferme et solide, et ben c'est comme ils se laissent facilement emporter par le courant. Donc il faut vraiment s'établir des bases, des points repères, hein, et s'accrocher à ces principes-là, au Coran et à la Sunna et aux bases du manhaj des salaf, fermement et mordre dedans comme avec nos molaires, comme le professeur Salam a dit. Hein, que peu importe qu'est-ce qui bouge autour de toi, qu'est-ce qui change autour de toi, toi tu restes ferme, tu t'accroches à ça, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, et s'il n'y a plus de jama'a et qu'il n'y a plus d'imam, qu'est-ce qu'on fait? Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ça en disant, tu restes accroché à ça comme si tu mords après un tronc d'arbre ou après la base d'un arbre, et jusqu'à ce que la mort vienne, hein, et que tu es comme ça. Donc ça veut dire que c'est pour nous faire comprendre qu'on doit s'accrocher à cette vérité-là, Coran, Sunna, hein, et le manhaj, et ne jamais rien laisser nous en détourner. Hein. Donc, ayant dit ça, maintenant on va commencer tout de suite avec les paroles de l'imam As-Sa'di, Cheikh As-Sa'di, rahimahullah, qui explique le verset qui dit « wa amruhum shura baynahum » et il décide de leurs affaires par consultation entre eux. Le cheikh dit wala yastabitu ay wa amruhum ad-din wa ad-dunyawi shura baynahum ay la yastabitu ahad minhum bi ra'yihi fi amr min al-umur al-mushtaraka baynahum wa hadha la yakunu illa far'an 'an ijtima'ihim wa tawalifihim wa tawadudihim wa tahabubihim. فمن كان عقولهم فمن كمال عقولهم أنهم إذا أرادوا أمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيها اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها حتى إذا تبينت لهم المصلحة انتهزوها وبادروها. donc le cheikh As-Sa'di il dit ici que et leurs affaires religieuses et leurs affaires de la dunya, ils les règlent par consultation entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui impose son opinion sur les autres dans une chose quelconque parmi les affaires qu'ils ont en commun entre eux. Et Ali, voilà, yakunu hadha illa far'an, ça découle de quoi? Ça découle du fait qu'ils sont réunis et qu'ils ont de l'affection et de l'amour, hein, entre eux. Et qu'ils s'aiment, hein, qu'ils ont de l'affection et de l'amour, et qu'ils s'aiment les uns les autres. Et ça découle de ça. Cette choura, elle doit découler de cette réalité-là, du fait que on est ensemble, on a de l'affection les uns pour les autres, on s'aime les uns les autres, et on veut le bien les uns pour les autres. Et c'est pour ça qu'on fait la consultation, qu'on règle nos affaires par consultation. Et à cause aussi du fait que leur raison, ils utilisent leur raison et leur bon sens dans le but d'arriver à comprendre et à régler leurs affaires quand ils veulent faire quelque chose qui nécessite de leur part de faire travailler leur réflexion et d'utiliser leurs opinions et leurs points de vue. Ils se réunissent ensemble et ils se consultent les uns les autres et ils recherchent dans la question qu'ils ont à chercher pour arriver à trouver la réponse et la conclusion qui va clarifier où est le bienfait le plus grand et où est le plus grand bienfait pour eux. Une fois qu'ils l'ont trouvé, ils vont se précipiter vers elle, vers ce bienfait-là, et ils vont se dépêcher à le prendre, ce bienfait. Donc ça c'est l'explication qui est rapportée ou qui est ramenée par le cheikh As-Sa'di au sujet de qu'est-ce qui doit nous motiver à faire Ash-Shura et dans quel et de quelle façon, dans quel sujet et de quelle façon. Le cheikh il donne un commentaire maintenant au sujet de, ce, de cette parole de l'imam As-Sa'di. Il dit قلت تأمل قوله في أمر من الأمور المشتركة بينهم فهل قضية تولي الحكم والسلطة يشترك فيها العالم والجاهل والعامي والرجل والعامي يعني والرجل والمرأة والمؤمن والكافر والتقي والفاسق والكبير والصغير إلى آخره هذا لا يقوله جاهل فضلا عمن عنده مسكة من علم فظهر قتلان استدلال دعاة الانتخابات بأنهم كالشورى لأن نظام الانتخابات يسوي بين ذلك كله. Le cheikh il dit premièrement, méditons sur la partie du verset, la partie de la parole du cheikh As-Sa'di où il dit qu'ils se consultent dans une chose sur laquelle ils ont quelque chose en commun. Le cheikh il dit, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que la question du pouvoir et du fait que quelqu'un yani, prenne en charge la, le pouvoir de l'État, est-ce que ça c'est quelque chose dans les, dans, sur lequel on doit avoir quelque chose en commun? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose en commun entre le savant et l'ignorant là-dedans? Ou entre la personne qui est une personne ordinaire qui n'a pas de connaissance de ces sujets-là, est-ce que tu les mets à égalité? Donc qui a trait à choisir le, celui qui va être ton dirigeant. Est-ce que tu vas aussi mettre à égalité ou dire qu'il y a quelque chose en commun là-dedans entre l'homme et la femme et que les deux sont à égalité et leurs jugements sont pareils là-dedans, ou bien le croyant et le non-croyant, ou le pieux et l'homme qui est pécheur et qui aime le péché et la désobéissance, ou bien la personne qui est âgée, plus âgée et la personne qui est très petite, enfant ou jeune, hein. Est-ce que tu vas mettre toutes ces choses-là ensemble et tu vas dire qu'ils ont tous les mêmes points en commun? Donc le cheikh me dit personne peut dire ça. Cette parole-là ou cette idée-là, même un ignorant ne le dit pas. Hein? Donc imaginez un savant yani, ou quelqu'un qui a un atome de science, encore moins. Hein? Donc c'est ça le cheikh qu'il donne comme argument. Puis il dit, donc on peut voir que l'argument des gens qui appellent à l'élection, aux élections, et qui disent que c'est comparable à la Shura, hein, c'est un argument qui est totalement faux. C'est une comparaison qui est totalement fausse, parce que le système des élections, il met à égalité tous ces éléments-là qui sont différents et qui s'opposent. Hein. Et même que ici, par exemple, comme le shérif va donner comme exemple tout à l'heure, ici même au Canada, et ailleurs peut-être dans d'autres pays, même les prisonniers ont le droit de voter. Donc ça veut dire même des citoyens qui sont criminels, qui sont des rejets de la société ou qui ont fait des choses atroces, pour, du mal à la société, du mal aux gens, eux aussi ils ont le droit même de dire leur point de vue, et quand ils vont voter, leur voix a, le même, a la même valeur qu'un honnête citoyen, et que quelqu'un qui a toujours été juste et honnête dans ses actions et dans c'est sa façon d'agir dans, son, dans ses paroles, ainsi de suite. Et le savant, il y a ça, on en a parlé déjà dans les cours passés, mais c'est juste pour faire ramener ce point-là pour faire comprendre. Et le croyant et le non-croyant, la même chose. Donc, hein. Ensuite, le cheikh, il dit, « وَتَأَمَّلْ أَيْضًا قَوْلَهُ وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا فَرْعًا عَنْ اجْتِمَاعِهِمْ وَتَوَالُفِهِمْ وَتَوَادُدِهِمْ وَتَحَابُدِهِمْ فَهَلْ هَذِهِ الْأُمُورِ موجودة حقا في المصارعات الانتخابية أم على العكس من ذلك من حصول الحق والغل والتفرق والتآكل والتحاسد وما أشبه ذلك مما نهي عنه شرعا وقد استوفينا الكلام عن على هذا في المفسدة الثانية من مفاسد الانتخابات فأين الانتخابات التي هذا شأنها من الشورى التي كلها خير وصلاح للفرد والمجتمع. Le cheikh dit, regardons maintenant la deuxième partie, l'autre exemple que le cheikh As-Sa'di mentionne dans son explication. Il dit que cette shura, elle découle du fait qu'ils sont réunis ensemble, ils ne sont pas divisés, ils sont tous unis. et qu'ils s'aiment entre eux et qu'ils ont de l'affection entre eux. Donc, est-ce que on voit cette description-là dans les campagnes électorales, quand on regarde les koufars et quand on regarde même les musulmans? Est-ce que c'est cet amour-là et cette unité-là qu'on retrouve dans les élections? Juste dernièrement, il y a eu des élections américaines, et puis tu voyais un parti qui critiquait l'autre parti, et ils essayaient toujours de trouver les fautes dans l'autre, et des insultes et des accusations graves même parfois. Et puis justement, dernièrement, quand il y en a eu un qui a gagné dernièrement, le parti qui a perdu, quand ils ont mentionné le nom de celui qui avait gagné, la foule a commencé à huer lorsqu'on a prononcé son nom. Donc c'est pour dire que c'est sûr qu'il n'y a pas d'amour entre ces deux groupes-là. Et aller entre les républicains et les démocrates, par exemple, aux États-Unis, on voit que clairement, dans les campagnes électorales, il n'y a pas du tout d'amour entre eux. Et malgré tout, ça m'a fait rire de voir que après l'élection, ils ont fait parler quelques personnes, puis il y a une républicaine qui disait, par exemple, « Ah, mais bon, c'est celui qui a gagné, c'est lui maintenant mon chef d'État, mon président, je vais le supporter, parce qu'il est mon dirigeant. » Et malgré que pendant la campagne, ils sont en train de l'insulter, puis de dire toutes sortes de bêtises à son sujet. Et donc, ça montre que le chef, il dit donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le contraire de ce que le chef décrit dans les campagnes électorales. On retrouve quoi? On retrouve la haine, la rancœur, la rancune, la division, la jalousie, la jalousie, et qu'ils se mangent les uns les autres. Donc c'est ça ce qu'on retrouve. Déjà, on a eu une élection ici au Canada, dernièrement, après il y a eu celle des États-Unis, et là, ils se préparent maintenant encore pour faire une autre provinciale, une autre élection au niveau provincial. Donc, c'est pour vous montrer à quel point ça finit plus ces histoires, et comment ils gaspillent l'argent des gens encore une fois. Bon, le cheikh, il dit, toutes ces choses-là qu'on a mentionnées, la jalousie, la haine, la division, tout ça, c'est des choses interdites par la charia. On a parlé déjà, tout ça c'est interdit par l'islam, entre les musulmans. Et on en a parlé de ça en détail dans le deuxième point qu'on a parlé parmi les méfaits de la démocratie. Et justement, en passant, en parlant des méfaits de la démocratie, on a choisi, j'ai choisi de donner ce titre-là à ce cours, les méfaits de la démocratie, puis dernièrement j'ai trouvé une citation d'un penseur, d'un philosophe, ou je sais pas qui. En tout cas, quelqu'un qui aurait dit supposément que les méfaits de la démocratie peuvent tous être réglés par plus de démocratie, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ce qu'il disait. Il y en a qui disaient, les méfaits de la démocratie peuvent toutes être réglés ou gérés par plus de démocratie. Ça, c'est pour essayer de dire que, bon, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il y a de l'injustice ou qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes dans la démocratie, mais ça peut être réglé si on applique plus de démocratie. Et c'est évident que cette parole-là et cette idée-là, elle est contraire à la vérité, puisque déjà, si quelque chose est injuste et quelque chose est faux, d'en rajouter, ça ne va faire qu'augmenter l'injustice et augmenter la fausseté qui est dans cette idée-là, d'accord? Ouais, ben, c'est le communisme, il l'interprète comme une autre forme de démocratie, en fait. Parce qu'ils, ils interprètent le communisme comme une forme de, les communistes interprètent le communisme comme une forme de démocratie. Parce qu'en fait, ils disent que c'est, eux aussi, ils se basent sur l'idée que c'est la volonté du peuple, la volonté du prolétariat, puis c'est que c'est un parti unique, c'est ça la différence. Bon, oui, c'est ça. Donc, le cheikh, il dit donc que, on a expliqué ça en détail dans les méfaits dans le deuxième point. Donc, comment on peut comparer ça avec l'islam et la shura? Comment on peut comparer qu'est-ce qui se passe dans les élections avec la shura? Il n'y a pas de comparaison. Parce que la Shura, dans la Shura, il n'y a que le bien pour la société et pour les individus. Donc il n'y a pas de quoi. C'est la consultation. La Shura, c'est quoi? C'est quand il y a un problème ou une question ou un sujet sur lequel on a besoin de, disons, trouver une solution sur quelque chose. Donc le dirigeant, il va réunir certaines personnes qui ont des connaissances et qui ont des expériences dans un domaine en particulier, puis ils vont tous s'asseoir entre eux pour essayer d'arriver à trouver une solution, la meilleure solution à un problème quelconque, hein, dans des affaires qui ont pas rapport directement à des choses qui sont clarifiées par les textes, hein, des choses qui sont comme par exemple, supposons que ils veulent par exemple, je sais pas moi, comment je pourrais donner comme exemple, ouais, une centrale hydroélectrique par exemple, ou bien un projet économique ou quelque chose. Là, il dit, bon, comment on va faire pour régler cette chose-là, puis c'est quoi les meilleures manières de le faire, puis c'est quoi la meilleure solution à prendre pour le faire. Donc là, ils vont s'asseoir, c'est pas tout le monde qui vont venir pour voter, non, c'est les gens qui sont aptes à le faire, qui ont la connaissance nécessaire, l'expérience nécessaire, ils vont venir, puis ils vont s'asseoir entre eux, discuter et essayer de trouver la meilleure solution. C'est ce qui se passe en Arabie Saoudite. Il y a un conseil de Shura, Majlis Shura et tout. Et puis c'est ce qui se passe dans d'autres pays également. Ben bien sûr que c'est le principe islamique, c'est-à-dire de consultation entre les musulmans. Ou bien sinon, par exemple, si il y a des questions de guerre. Par exemple, je te donne aux États-Unis, tout le monde vote, d'accord. Mais quand c'est question de parler d'une affaire de la guerre, quel pays va attaquer, quand est-ce qu'il va attaquer, ou comment, est-ce que tu penses qu'ils vont demander à chaque individu pour faire un vote, est-ce qu'on attaque l'Irak ou non? La preuve, il y a eu plein de démonstrations, puis ils ne l'ont pas fait. Ils s'assoient au Pentagone, puis c'est les chefs militaires, puis le chef d'État qui s'assoit avec eux, puis c'est uniquement les gens qui sont très haut gradés, puis qui ont connaissance. Ouais, il y en a qui ont de l'argent, il y en a pour d'autres raisons, mais c'est-à-dire ils connaissent les questions politiques et les questions qui sont, hein. Donc c'est souvent des gens qui sont dans les questions, qui sont dans le gouvernement de génération en génération, ils connaissent comment ça marche, les questions d'État et les questions militaires, ces choses-là. Donc ils vont donner leurs conseils et leurs points de vue et tout. Ils vont pas prendre l'opinion de n'importe qui est assis sur le trottoir dans la rue pour savoir est-ce que tu penses qu'on devrait faire ça ou est-ce que tu penses qu'on devrait faire ça, hein. Et quand ils font des grosses réunions pour savoir qu'est-ce qui se passe pour les projets économiques ou des trucs de ce genre, ils font les G8 là, ils invitent des chefs d'État, puis des gens des grosses compagnies, des gens qui vont, puis les assoient ensemble, puis là ils essaient de trouver des soi-disant des solutions, mais ils demandent pas à toute la population malgré qu'ils se disent démocrates, hein. Donc c'est pour dire que même eux, ça, ils le font eux aussi et critiquent les musulmans parce que nous on n'accepte pas la démocratie, hein. Donc c'est la contradiction que ces gens-là, ils critiquent quelque chose alors qu'ils font eux-mêmes la même chose. Ils critiquent les musulmans parce qu'on n'est pas d'accord avec la démocratie alors que eux ils font la même chose que nous, puis ils nous critiquent. La seule différence c'est quoi, ils font des élections, mais après qu'ils ont réussi à voter pour quelqu'un, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Alors c'est quoi le pouvoir du peuple dans ce cas-là, il est où, hein. Donc dans l'islam, nous non, on joue pas à ce jeu-là. On dit c'est le pouvoir et c'est pas le pouvoir, il appartient pas au peuple, hein. Et puis la décision se fait pas par n'importe qui dans le peuple non plus. C'est ceux qui sont au pouvoir puis ceux qui sont aptes à le faire. Et, ça aussi. Exactement, ça on attend. Ça, on en a parlé de ça aussi. Celui qui demande la responsabilité puis qu'on lui donne, Allah va pas l'aider, il va pas le supporter. Parce que c'est lui-même qui l'a recherché. Tandis que celui à qui on lui donne la responsabilité, mais qui l'a pas demandé, qui l'a pas cherché du tout, et qu'on lui donne la responsabilité, et qu'il la prend malgré lui, celui-là, non seulement, il va être aidé par les gens, mais Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider, en plus de ça, va le supporter à être capable justement de remplir ses responsabilités puis de le faire le mieux possible. Donc ça c'est mieux, hein, que quelqu'un qui vient puis qui demande mets-moi au pouvoir ou fais que je sois un dirigeant ou quelque chose comme ça. Comme dans les élections, c'est ce qui se passe, quelqu'un qui vient, qui se présente, qui dit c'est moi le meilleur, c'est moi qui est le ci, qui est ça, votez pour moi. Comme on avait expliqué ça déjà. Ensuite, le Cheikh dit وتأمل كذلك قوله تأمل كذلك قوله حتى إذا تبينت لهم المصلحة انتهزوها وبادروها. Le Cheikh dit إن هذه المصلحة التي ترتبت على الشورى يشترك فيها جميع أفراد المجتمع فالمصلحة تعم الجميع وثمرتها على الكل بعكس النظام الانتخابي وما هو حاصل فيه فإن كل حزب فيه يود أن يحصل المصلحة بفرده دون النظر إلى غيره من الأحزاب الأخرى بل حتى في نطاق الحزب الواحد تجد أن كل فرد من أفراده يحرص على أخذها أولا دون النظر إلى أفراد حزبه فضلا عن غيرهم فأين القياس والتشابه إذن والحالة ما ذكر. Donc le Cheikh il dit, et observez également l'autre partie de la citation du Cheikh Cheikh Saadi, lorsqu'il dit, et lorsqu'ils ont vu clairement où était le bienfait, ils sautent dessus, hein, et ils se précipitent pour le prendre et l'appliquer pour tout le monde. Donc ça c'est dans le but d'amener le plus de bien pour la population, pour les individus, ainsi de suite. Le Cheikh il dit, où est-ce qu'il est ce bien? Il dit, quand on regarde par exemple le bienfait dans la charia, il faut que ce soit pour tout le monde, il faut que ce soit pour toute la société en entier, et que ce bienfait-là ait un effet sur tout le monde. Tandis que c'est le contraire dans le système démocratique, parce que, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que chaque parti essaie de ramener le bienfait pour son parti à lui, hein, sans prendre en considération les autres partis. Hein, et c'est pour ça justement qu'ils essaient toujours d'avoir la majorité, hein, dans le Parlement, pour avoir le plus de sièges possible, pour avoir la majorité, pour être capable de prendre des décisions, même si les autres partis ne sont pas d'accord, les autres partis ne pourront rien faire parce que c'est eux qui ont la majorité. Donc automatiquement, ils vont toujours avoir leur position qui vont passer devant. Mais, bien entendu, il arrive parfois que, même si par exemple, il va avoir un vote et qu'un parti a la majorité, il se peut parfois que certains membres d'un même parti ne soient pas tous d'accord pour un projet. Et donc, dans ce cas-là, peut-être qu'ils n'auront pas la majorité dans le vote. Mais bon, ça arrive rarement. Quand même, Yannis, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? C'est ça qu'on remarque, c'est que chaque parti essaie de ramener un bienfait pour lui-même seulement, et non seulement par rapport aux autres partis, mais à l'intérieur d'un seul et même parti, tu vois que chaque individu qui compose ce parti-là essaie de ramener l'intérêt le plus possible vers son côté par rapport aux autres membres de son parti. Surtout par exemple quand il y a les élections à l'intérieur du parti pour savoir qui va être le chef du parti. Et là, vous avez vu ça dernièrement aux États-Unis, entre Bill Clinton, Hillary Clinton et Obama. C'était comme si c'était des élections, là. Puis, tu voyais, la partisanerie était forte. Exactement. On se demandait même s'il n'y allait pas avoir deux partis démocrates qui allaient se créer, à cause de ça. Donc après ils sont devenus soi-disant, ils ont tous pris pour un, puis après ils sont partis comme devant. Exactement. Donc c'est toujours comme ça, tu vois. Et ça c'est des gens qui disent un seul parti, un seul truc, je sais pas quoi. Donc où est-ce qu'il est la comparaison avec la démocratie et avec la comparaison avec Ashura là-dedans? Il n'y a aucune comparaison à faire là-dedans. Ensuite, le Cheikh il dit, والآية الثانية وشاورهم في الأمر. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله, أما أمته فإنهم إذا تشاوروا مستنين بفعله صلى الله عليه وسلم في ذلك على تصادق وتآخ للحق وإرادة جميعهم للصواب من غير ميل إلى هوى ولا حيد عن هدى فالله مسددهم وموفقهم. Donc le Cheikh il dit ici que Abu Ja'far al-Tabari, il explique le deuxième verset, وشاورهم في الأمر, dans le verset Al-Imran, verset 159, et consulte-les dans la question, dans l'affaire. Abu Ja'far al-Tabari, l'imam al-Tabari, il dit dans son tafsir, en ce qui concerne sa umma, la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors, lorsqu'ils font une consultation entre eux, en se basant sur son exemple, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le font avec amitié entre eux et fraternité, et ils se mettent ensemble dans cet esprit de fraternité-là, en se basant sur la vérité, c'est-à-dire dans le but d'arriver à la vérité. Leur fraternité est basée sur la vérité. C'est-à-dire que nous, on doit être des frères entre nous. Mais on doit être des frères entre nous dans la vérité. Parce que si il y a une fausseté qui vient entre nous, il faut pas qu'on soit en train de se dire, bon, on va se mettre d'accord là-dessus, malgré que c'est faux. Parce qu'on est des frères. Si on fait ça, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment des frères. Notre fraternité, en tant que musulmans, parce qu'on est des musulmans, parce qu'on croit au Coran et à la Sunna et on suit cette vérité-là, il faut qu'on ait cette fraternité qui est entre nous. Il faut qu'elle soit basée sur la vérité. Pas sur le mensonge, pas sur la fausseté, pas sur quelque chose qui est contraire à l'islam ou contraire à la vérité. Donc, ça c'est qu'est-ce que le chef explique. Et donc, quand on fait notre consultation entre nous, c'est parce que nous tous, on veut le bien, et on veut la vérité, et on veut atteindre ce qui est le meilleur, sans pencher vers la passion, et suivre notre passion, et sans se dévier de la guidance que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand on agit de cette façon-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous supporte, hein, et nous donne le succès d'arriver à ce qu'on veut. Le cheikh dit, قلت وهذا حال الشورى في الإسلام تكون مبنية على التصادق وعلى التآخي للحق وهو تحريه والبحث عنه وهذا بخلاف حال الانتخابات فإنها مبنية على الكذب والغش والتزوير وعلى عدم تحري الحق بل على الأغلبية الغوغائية وتأمل قوله من غير ميل إلى هوى ولا حيز عن هدى. Donc le cheikh il dit, voilà l'état de, ou la situation qui se passe dans la shura dans l'islam. C'est qu'elle est basée sur le fait qu'on est sincère et on est véridique les uns envers les autres et qu'on se base dans notre fraternité sur la vérité. Et c'est-à-dire qu'on essaie de faire tout l'effort qu'on peut pour arriver à la vérité et pour rechercher cette vérité-là. Contrairement à l'état ou à la situation qu'on voit dans les élections, parce qu'elles sont basées sur le mensonge, la tricherie, la falsification des faits, et également elles sont basées sur le fait que tu ne cherches pas à trouver la vérité et arriver à la vérité, parce que c'est basé uniquement sur la majorité et sur la démagogie. C'est quand tu as une politique qui est basée sur le fait de vouloir plaire à la population ou aux gens. Donc quand tu leur parles, tu leur dis ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent entendre pour qu'ils votent pour toi. C'est ça la démagogie. En réalité, c'est comme si c'est pas toi qui les contrôle ou qui les dirige. C'est toi qui es au pouvoir, mais c'est pas toi qui les dirige, parce que pour les diriger, tu es obligé de leur dire ce qu'ils veulent entendre eux. Et si toi tu prends une position qui est contraire à ce qu'ils aiment eux, ils vont se mettre contre toi et tu n'auras pas de pouvoir sur eux. Donc c'est ça la démagogie, d'accord. Et donc l'attitude, c'est souvent le cas maintenant, et ça en particulier durant les élections, le président ou le candidat, il va tout faire pour plaire aux gens, et même il va leur dire des choses contradictoires. Il va aller voir un groupe, il va leur promettre plein de choses, et il va aller voir un autre groupe qui est opposé au premier, et il va leur promettre les mêmes choses ou bien d'autres choses qui vont en contradiction avec ce qu'ils ont promis au premier groupe. Et donc c'est pour ça que tu vois toutes sortes de contradictions. Comme par exemple, tu vois aujourd'hui, ça me fait rire, cette attitude-là de la part des islamistes musulmans, comme les Ikhwan et les gens de ces tendances-là. Ils disent par exemple, un comportement de flatterie à l'égard du peuple et de préjugés afin d'augmenter sa popularité. C'est exactement ça. Non, ça. Donc, c'est pour te dire. Quand tu vois par exemple, ils disent, ils font des documents, les groupes islamistes ici là, qui appellent les musulmans à participer au vote. Ils font des petits documents avec les descriptions des différents partis, puis ils vont faire par exemple un tableau avec les différentes questions qui sont soi-disant importantes pour les musulmans, puis la position de chaque parti vis-à-vis de ces positions-là. Puis là, ils vont dire par exemple, question palestinienne, là, ils vont dire, tel parti, ouais, ils sont corrects et tout, question d'immigration, ouais, ça, ils sont corrects, et ainsi de suite. Puis, vous voyez par exemple la question de la Palestine. Eh ben, ils marquent toujours, ah, ce parti-là, oui, il faut voter pour lui parce qu'ils sont, par exemple, pas en faveur de l'État d'Israël, ou bien ils sont pro-israéliens, ou anti, ou je sais pas quoi. Et ils se basent là-dessus. Alors qu'en réalité, c'est faux. Tous ces partis-là, tous ces groupes-là, ils sont avec, autant avec les juifs qu'avec les musulmans, qu'avec les hindous, qu'avec les bouddhistes, qu'avec les n'importe qui. En autant qu'ils vont avoir ton vote, c'est ça l'important pour eux. Ils peuvent pas dire on est contre vous ou pour vous. Hein. C'est ça le malheur dans, dans ce système. C'est que quelqu'un peut pas prendre une position claire pour avoir des votes. Il est obligé d'être ambigu et d'être à gauche, à droite. Sinon, il y a des partis extrémistes, hein, mais ces partis-là sont toujours minoritaires. Ils n'ont jamais d'influence et d'impact sur la société. Où en étais-je? Donc, le chef, il dit que la démocratie, c'est ça. Et puis, tu vois, les gens, même ils le savent. Les gens, ils te le disent tout le temps. Ah, la politique, c'est l'hypocrisie, c'est le ci, c'est le ça, c'est ci, c'est ça. Il parle de quoi? Il parle en particulier de la démocratie, parce que c'est ce système-là qui amène toute cette hypocrisie-là et tous ces mensonges-là. Ça, parce que en fait, t'as pas le choix d'être hypocrite pour être dans la démocratie. T'as pas le choix d'avoir plusieurs visages en étant dans la démocratie. Parce qu'il faut que tu plaises à tout le monde en même temps pour avoir leur vote. Donc t'es obligé d'être malhonnête, t'es obligé d'être hypocrite, puis de montrer que t'es correct. Hein. Puis de donner une image, et c'est ça le but. Et donc il y en a beaucoup maintenant là qui ont voté pour le nouveau président des États-Unis juste à cause de sa couleur ou juste à cause de son éloquence, hein. Et ça c'est très trompeur. Si quelqu'un se base juste sur l'éloquence de quelqu'un ou son charisme pour voter sur quelqu'un, ils vont probablement être très surpris, hein, le jour où ils vont voir qu'il fait des politiques ou qu'il agit d'une façon qui va en contradiction avec leurs intérêts ou leurs espoirs, hein, ils vont dire tout d'un coup, ah, mais on savait pas qu'il allait être comme ça, hein. Ouais, c'est ça. Ils vont dire, ah, qu'il soit noir ou blanc, c'est tous pareil. Et puis c'est la vérité, hein. L'honnêteté c'est pas basé sur la couleur, et la malhonnêteté c'est pas basé sur la couleur, et la foi c'est pas basé sur la couleur, et le kufr, la mécréance c'est pas basé sur la couleur non plus, hein. Et au jugement dernier, qu'est-ce qui va te sauver? C'est pas ta couleur, hein. Si t'es blanc, t'arrives devant Dieu au jugement dernier, est-ce que tu penses que c'est ça qui va te faire entrer au paradis? Non. Et la même chose, si t'es noir, c'est pas ça qui va te faire entrer au paradis. Et souvent les noirs par exemple, à cause du fait que par exemple on a subi beaucoup de difficultés dans l'histoire, on a été persécuté par l'esclavage, par d'autres choses, il y en a qui pensent qu'à cause de ça, ça veut dire que on est privilégié, du fait qu'on est plus près de Dieu de ce sens-là. Et c'est vrai, peut-être que les pauvres et les gens qui sont faibles ou les gens qui sont persécutés sont peut-être plus près de Dieu d'une certaine façon, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont automatiquement bien guidés ou qu'ils sont sur la foi. Au contraire, c'est une leçon pour eux pour justement être plus sincères envers Dieu et pour les rapprocher plus de Dieu. Hein. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les pauvres vont entrer au paradis 500 ans avant les riches. Hein. Parce que donc c'est pour vous donner des exemples comme ça, mais c'est pas ça, ça tout seul, c'est pas une preuve que t'es bien guidé. C'est pas parce que t'es pauvre et opprimé, automatiquement t'es bien guidé. Il y en a plein de pauvres et plein de gens qui sont faibles ou opprimés, qui sont des égarés. Hein. Et que s'ils étaient riches, ils seraient beaucoup plus égarés que ceux qui sont riches aujourd'hui. Donc, nasallallahu alayhi wa sallam, al-afiya. Donc, le cheikh dit, فالانتخابات كلها من بدايتها إلى نهايتها ميل واتباع للهوى ذلك أن كل حزب يميل إلى حزبه ويحرص كل الحرص أن يفوز في الانتخابات النيابية دون غيره وهذا بعينه الإحادة عن الهدى فظهر الفرق والتباين بين الانتخابات والشورى. Et comme par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand par exemple on lit, quand on voit par exemple que le discours des gens qui participent à la démocratie puis aux élections sont c'est un discours hypocrite, regardez le discours et l'attitude des partis ou des groupes islamistes et des soi-disant gens qui appellent à voter, leur attitude même par rapport à l'islam. Quand c'est le temps de répondre par exemple à une question qui est clair dans la religion musulmane, hein, vous allez voir dans leur forum, quand quelqu'un pose une question dans le forum, par exemple, sur un sujet qui est politiquement, il faut être politiquement correct, comme on dit, dans ce sujet-là pour eux, hein, par rapport à dire, par exemple, est-ce que, comme quelqu'un me donnait comme exemple, est-ce que tu as le droit d'assister à l'enterrement d'un non-musulman? Là, c'est une question que ces gens-là ne voudront pas répondre ouvertement et directement et clairement à ce sujet-là, parce qu'il ne faut pas froisser les sentiments des gens qui ne sont pas musulmans. Bien sûr, hein, exactement, mais eux non, parce bien sûr que ce n'est pas permis, hein, d'assister aux enterrements d'un kafir. Mais pour eux, ils ne vont jamais dire que ce n'est pas permis, ils vont commencer à philosopher, à tourner autour du pot, tout faire pour dire, pour pas dire la réponse directement et clairement. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts politiques et autres, donc ça les pousse vers l'hypocrisie, vers le fait de pas dire la vérité telle qu'elle est, le fait de mentir même sur Allah et sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste pour plaire aux gens ou bien pour les satisfaire, et ça c'est très très très dangereux, hein, et c'est ça ce qu'on voit à l'attitude de ces gens-là qui utilisent la politique comme un moyen pour arriver à un objectif, et en particulier la démocratie, on voit que c'est ça leur attitude. Après le chef dit « وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ مِنْ غَيْلِ مَيْلٍ إِلَى هَوَى وَلَا حَيْدٍ عَنْ هُدَى » Donc il dit « Observez maintenant la parole du chef l'imam al-Tabari lorsqu'il dit « Sans pencher vers la passion ni de se détourner de la guidance, ni de se détourner de la guidance. » Regardez les élections, il dit c'est tout ça, du début à la fin, se pencher et suivre la passion. C'est-à-dire que chaque parti, hein, il penche vers son groupe et son parti, et il fait tout l'effort pour arriver à gagner dans les élections, et qu'ils font tout pour que l'autre parti perde. Et ça, bien entendu, c'est de dévier de la guidance, parce que en principe, si tu aimes ton frère, tu veux pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Tu veux pas que ton frère perde, et tu veux pas souhaiter le mal pour ton frère. Tu souhaites au contraire le bien pour ton frère. Mais eux, entre parties, ils peuvent pas souhaiter ça pour les uns pour les autres. Hein, c'est comme en Algérie, avant la fitna, au début quand il y avait les élections, il y avait pas juste un parti islamique, il y avait pas juste le fils qui se présentait aux élections. Il y avait d'autres partis comme le Hamas, avec Mahfouz Nahna, qui était parmi les islamistes aussi, mais lui qui est de plus tendance des Ikhwan, Soufi, Ash'ari, hein, et qui faisait partie aussi des islamistes, mais tu voyais parmi eux d'autres tendances, et le fils tu voyais aussi d'autres tendances, un mélange de manhaj des Ikhwan avec une apparence extérieure plus penchée vers la salafie, mais juste en apparence, parce qu'au fond le manhaj c'était pas salafie du tout, hein. Exactement. Donc c'est pour vous dire, yani, maintenant il y a un des soi-disant de ces gens-là qui ont le site là, aslama.com, c'est un site justement soufi, ash'ari, ikhwani, Et quand tu vas dans une section du site, tu vois qu'il met les, justement les discours de Mahfoud Nahnah, ce gars-là qui se présente en Algérie. Il est mort maintenant, mais c'est pour te dire. Dans ce site-là, il y a l'appel à l'adoration des tombes et la vénération des saints, l'appel à faire des... le mot ou les bid'ahs, l'appel à participer ou à la glorification des Ikhwan et de Hassan al-Banna, la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la déformation de ses sens, ainsi de suite. Toutes les bid'ahs, toutes les formes d'égarement réunies dans ce site, et ils ont un forum aussi, et ils font tous leurs efforts pour essayer de combattre et de attaquer et de critiquer qui? Les salafis. Et dans leur site, tu trouves tout le monde mélangé, bien entendu, mais ils sont tous divisés et mélangés, mais tous d'accord contre les salafis. Hein. Donc nous, on a tout le monde, hein. Tout le monde est, quand tu es salafi, tout le monde te frappe de tous les côtés. T'as déjà qui te frappent par devant, par derrière, par à côté gauche, à droite, dans les deux côtés. Et toi, t'es au milieu, non. Toi, t'es au milieu, puis tu réponds à tout le monde en même temps. Donc le salafi, il est comme ça. Et c'est pour ça que souvent, même les kuffars, par rapport au salafi, ils ont de la difficulté ou bien par rapport aux différents groupes, ils ont de la difficulté à bien situer les salafis. Par rapport à, justement, à tout. Non, mais, moi, qu'est-ce que je te dis, par exemple, étant donné que toi, tu viens juste de te convertir à l'islam, récemment, moi, je te conseille à toi puis à tous les frères, même à nous en même temps, de commencer par te raffermer dans ta religion. Premièrement, mémorisation et apprentissage du Coran et la compréhension. Deuxièmement, apprentissage et mémorisation et compréhension de la Sunna, parce que c'est les deux bases. Ensuite, bien entendu, en même temps que ça, compréhension, apprentissage, étude du tawhid, qui est la base de l'islam. Et ensuite, bien entendu, les principes et les fondements du manhaj, de la sunna, hein, et de l'opposition à la bid'ah. D'accord? Oui, exactement. Donc, c'est toujours, par exemple, selon ton niveau et sa nécessité. Il y a des gens qui disent non, il ne faut pas parler de ça du tout. Il ne faut pas parler de ça, en particulier aux francophones, il ne faut pas leur dire ces choses-là. Et en réalité, c'est dangereux parce que ceux qui critiquent plus et qui attaquent plus l'islam par rapport à ces questions-là, c'est bien les Français. Et si toi, tu es musulman, puis tu ne connais pas la position de l'islam vis-à-vis de ces gens-là, et que personne n'explique la position de l'islam vis-à-vis de ça, ben c'est qui va répondre à notre place? C'est les Ikhwan, les gens de Bid'a, qui vont dire aux non-musulmans, ouais, l'islam c'est la démocratie, l'islam c'est ci, l'islam c'est ça, et les koufars, eux, les non-musulmans, ils savent que c'est pas vrai. Et ils réfutent ces gens-là. Maintenant, quand ils entendent un salafi qui leur répond, et qui leur dit, c'est faux, l'islam c'est pas démocrate, et votre démocratie on n'en veut pas, et c'est faux, et c'est de la bêtise, là ils sont tellement surpris et choqués en même temps, ils se disent, mais comment ça se fait? On est en train de faire tous nos efforts pour dire à ces gens-là, vous n'êtes pas des démocrates. Et maintenant, eux, ces gens-là qui sont musulmans, ils sont en train de nous répondre, c'est vrai, on n'est pas démocrates. Et là, ça les énerve en même temps. Parce que pourquoi ça les énerve? Parce que eux, quand ils disent aux autres, vous n'êtes pas des démocrates, c'est pour essayer de les faire devenir démocrates. Tandis que nous, on vient puis on leur dit non, on n'est pas démocrates et on ne veut pas être démocrates. Alors là, maintenant, ils sont pris dans l'autre position, ils sont obligés d'essayer de dire, mais non, mais là, c'est pas correct. Il faut pas être contre, hein. Il faut revenir. Il faut être pour. Ah, vous êtes des salafis. Ah, ça, c'est un groupe radical, ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils utilisent. C'est la méthode qu'ils utilisent. Donc, on voit clairement la différence entre la démocratie et les Ashura. Pas de comparaison possible. Cheikh, il mentionne encore maintenant, à propos de ce deuxième verset, il mentionne les paroles de l'imam As-Sa'di. Encore, maintenant, un autre, clarification. Le cheikh dit, قال السعدي رحمه الله أي الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر. C'est-à-dire, ils font leur consultation, ils se consultent entre eux dans les questions, dans les affaires qui nécessitent de la consultation, de l'observation et de la réflexion. Ok, l'imam al-Sa'di il dit ça. Maintenant le chef il clarifie cette parole-là de l'imam al-Sa'di. Il dit « قلت معنى ذلك أن هناك أمورا لا تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر وهذه يشترك فيها أولو الألباب وغيرهم أما الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر فلا يقوم بها إلا أولو الألباب من أهل الحل والعقد أما غيرهم فلا فأين النظام الانتخابي من الشورى؟ فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير المنافقين والجهلة في الأمور المهمة التي بها صلاح الدين والدنيا؟ أم كان يستشير أولي الأحلام والنهى ذوي العقول الراجحة؟ Donc le cheikh il dit, regardez bien maintenant la parole de l'imam al-Sa'di. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a des choses dans lesquelles on a besoin, on n'a pas besoin de, il y a des choses dans lesquelles on n'a pas besoin de consultation et d'observation et de réflexion. Et ça c'est des choses au sujet desquelles tout le monde a quelque chose en commun, que ce soit des gens qui ont la raison ou qui comprennent les affaires, qui ont la raison ou non. Donc on est tous aptes à les comprendre et à les connaître. Donc on n'a pas besoin de faire de consultation à ce sujet-là. Toutefois, il y a d'autres questions qui nécessitent de la consultation. Et ces questions-là sont les questions qui nous demandent, ou les sujets qui nous demandent d'avoir de l'observation et de la réflexion. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui seront capables de les établir et de les appliquer sont ceux qui ont ulul albab, c'est-à-dire ceux qui ont la cervelle, c'est-à-dire qui ont la raison bien développée et qui font partie des gens de hil ou al-aqd. C'est-à-dire ceux qui nouent et qui dénouent, c'est des gens qui ont quelque chose à faire avec les décisions importantes dans la société, dans le gouvernement, dans la politique, dans l'économie, et ainsi de suite. Hein? C'est pas n'importe qui. Et les autres qui font pas partie de ces gens-là, fala. Ils ont rien à voir là-dedans. Et même ici, par exemple, au Québec, ou bien à Montréal, ou bien ailleurs, est-ce que c'est tout le monde qui donne son point de vue dans les questions et dans les décisions? Non. Même dans une compagnie. Ça veut dire que quelqu'un a une entreprise. Par exemple, Bombardier. Disons par exemple Bombardier. Est-ce que... Parce qu'il y a un fait qui travaille là-bas. Donc, est-ce que... Non. Est-ce que quand ils vont faire des grandes décisions importantes qui ont rapport avec les directions de la compagnie et les choix de... est-ce qu'ils vont, ouais c'est ça, est-ce qu'ils vont demander à chaque employé qui vient, même le concierge, ils vont venir lui dire bon, est-ce que tu penses qu'on devrait commencer à investir dans les G64 ou dans les, j'invente des affaires là, mais c'est juste pour dire, est-ce qu'ils vont demander, est-ce qu'on devrait investir dans les trains ou dans l'aéronautique ou dans ci ou dans ça? Ils vont pas demander ça à n'importe qui, ils vont demander à ceux de la compagnie qui sont aptes à le faire, puis qui sont assez élevés dans la compagnie, qui ont une décision, qui ont une opinion qui va avoir un poids, pas à n'importe qui, et ça c'est partout et c'est dans tout. Donc c'est la même chose, en particulier pour les questions politiques et les grandes questions qui ont rapport avec justement le dirigeant, c'est pas n'importe qui va avoir son mot à dire là-dedans, bien entendu. Mais ça c'est dur pour l'orgueil de beaucoup de monde, d'entendre des paroles comme ça, parce que c'est comme pour dire, comment ça? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que, hein? Pourquoi eux ils décident et nous on n'a pas de mot à dire là-dedans, hein? Parce que tout le monde veut se mêler de ces affaires-là, veut avoir son mot à dire pour dire mon opinion vaut autant que la tienne et je suis autant important que toi, on est tous égaux, ainsi de suite, hein? Et c'est l'orgueil en fait. Parce que, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est vraiment que ce soit ton opinion qui soit choisie? Ou bien l'important c'est que ce soit l'opinion qui soit le meilleur pour tout le monde, hein? Alors c'est ça l'important. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent juste à dire ah ben si ils prennent pas mon opinion, alors j'accepterai pas ce qu'ils disent, hein? Et il y en a comme ça des fois. Quand par exemple, même dans des, c'est pas dans des gouvernements, même dans des petits conseils de mosquée là. Vous allez voir, il y a tout le monde qui sont dans la mosquée qui va donner son point de vue. Quand il y en a un qui donne son point de vue puis que les autres sont pas d'accord avec lui, ah c'est fini, je travaille plus avec vous, je veux rien savoir, et puis il s'en va, hein, ça dit ça, et il s'en va ouvrir sa propre mosquée. parce qu'il n'est pas d'accord. Pas sur des choses de base, de fondement, de manhaj, usul, aqida, non. Question, il y en a de décision administrative. Hein? Donc, imagine. Alors, c'est la même chose parfois pour les questions de. Il y en a de. Politique, les gens sont comme ça. Tout le monde, et surtout dans les pays qui ont un background de colonisé. Quand les colonisateurs sont partis, ils ont laissé le peuple comme ça, tout le monde maintenant a l'idée, ah ben ça y est, nous, on est tous pareils, maintenant on est tous égaux. Eux, ils étaient nos colonisateurs, ils avaient le droit de nous dire quoi faire, parce que c'était eux nos modèles. Et en particulier que les gens, souvent quand il y a des colons, c'est soit que ils ont éliminé, ils ont chassé les gens qui étaient au pouvoir auparavant. Quand les colonisateurs se sont installés, ils ont chassé ceux qui étaient au pouvoir auparavant, ils se sont exilés ou sont partis ailleurs, ou bien qu'ils se sont mis alliés avec eux, puis qu'ils sont devenus un peu occidentalisés. Donc le résultat c'est quoi? Le résultat c'est que quand les colonisateurs s'en vont, ils ont plus de souvent ils ont plus de modèles. Ils ont plus quelqu'un vers qui se tourner pour regarder qui va nous donner l'exemple. Et c'est pour ça que ça devient comme un corps sans tête un peu. Oui, c'est ça. Donc, tout le monde se pense égaux, et tout le monde se dit, ben écoute, si toi t'es capable d'être au pouvoir, moi je suis autant capable que toi. Puis, tu vois, ils essaient de se faire... Non, c'est vrai, ils essaient tous de se faire des coups d'État l'un par-dessus l'autre, hein, et de se renverser les uns les autres. Et puis souvent le premier qui réussit, ben, il connaît les trucs, alors il laisse pas les autres le prendre une deuxième fois. Mais c'est ça, bien sûr, ça commence toujours par l'armée, ces choses-là dans les pays arabes. Que ce soit en Égypte, il y avait le roi Farouk à l'époque des Ikhwan justement. Et ben Jamal Abdel Nasser qui était avec les Ikhwan, il était dans l'armée. Ils ont fait des groupes secrets à l'intérieur de l'armée, puis quand ils se sont sentis prêts, ils ont renversé le roi. En Irak, le parti de Saddam Hussein, ils ont renversé le roi qui était là avant. En Syrie, la même chose, ben en Syrie non, ça a été un petit peu plus compliqué, mais en France, bon, en France, pas besoin de mentionner, tout le monde sait ça. En Libye, Kadhafi, la même chose. En tout cas, juste pour dire que toutes ces affaires-là, c'était des militaires qui ont pris le pouvoir, bon, bien entendu, une fois qu'ils... Non. Il y a quelques pays où il n'y a pas eu ce genre de choses-là, comme en Jordanie, en Arabie Saoudite, disons, il n'y a pas eu de coup d'État là-bas, des militaires et tout, qu'Allah leur en préserve. Le dirigeant, c'est pas important le titre qu'il a, qu'on l'appelle roi ou président ou khalifa ou quoi, c'est pas ça l'important. L'important c'est que c'est lui le dirigeant, c'est lui qui est au pouvoir et c'est lui qui doit être obéi, écouté, dans le bien. Et l'idée que si c'est une monarchie, c'est pas permis dans l'islam, puis que c'est contraire à l'islam, tout ça c'est des mensonges. Hein. C'est-à-dire que c'est pas que s'il y a une monarchie ou s'il y a quelqu'un qui donne le pouvoir à, par exemple, son frère ou à son fils, que ça veut dire qu'on n'a plus le droit de l'obéir. Eux, c'est ça que les Ikhwan disent. Ils disent, ah non, la monarchie c'est contraire à l'islam, on peut pas suivre ça, il faut être démocrate. Pourquoi? Parce que c'est eux qui veulent le pouvoir. Tu comprends? Mais à la base, si quelqu'un est au pouvoir, peu importe que ce soit son père qui lui a donné le pouvoir ou autre, si c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui doit être obéi, même si c'est pas le meilleur d'entre nous. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit qu'il y allait avoir des dirigeants injustes, qu'il y allait avoir des dirigeants qui vont se donner des privilèges, ainsi de suite. Et même il y a un hadith, bien. Oui, chez les musulmans. Puis il y a même un hadith très très clair là-dessus qui dit qu'il va y avoir le khilafa pendant 30 années. Puis qu'après, il va y avoir un khilafa pendant 30 années. Après qu'il y allait avoir des rois. Hein, puis qu'à la fin des temps, ça va revenir khilafa ala manhaj al-nubuwa. Il y a un hadith qui explique ça spécifiquement et clairement. qu'il va y en avoir une époque où ça va être des rois qui vont diriger. Donc il y a, ça, le prophète ne m'a pas dit ça, c'est interdit. Hein. Et le premier roi dans l'islam, c'est qui? C'est un des grands sahaba. Hein. Oui, Muawiya, Ibn Abi Sufyan. C'est le premier roi de l'islam, hein, comme on l'appelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était celui qui écrivait la révélation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est juste pour dire que cette idée-là, que l'islam est contre la monarchie, contre la dictature, contre ci et ça, c'est vrai que s'il y a de l'injustice, l'islam est contre l'injustice, mais la façon de régler l'injustice, c'est pas de faire des injustices pour répondre. La façon de régler l'injustice, c'est de suivre la sunna et d'obéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et d'obéir à Allah, spontané. C'est ça que ces gens-là ne veulent pas comprendre. Et ils disent, ah, vous, vous travaillez pour les dirigeants, vous êtes des esclaves des dirigeants. Et ils pensent que quand on dit ça aux gens, d'obéir aux dirigeants, ou quand ils sont injustes, ils pensent qu'on fait ça pour plaire aux dirigeants. Alors que nous, on fait pas ça pour plaire aux dirigeants. On fait ça pour obéir à Allah et son messager. Parce que c'est eux qui nous ont dit de faire ça. Pourquoi, quand on dit ça, vous dites, par exemple, ou bien ceux qui disent ça, ils disent, ah, mais vous, vous essayez de dire, ah, vous voulez être obéissant aux dirigeants, vous voulez soumettre aux dirigeants. Non. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit autre chose, on aurait dit autre chose. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, si vous voyez un dirigeant et qu'il fait de l'injustice, et qu'il vous frappe votre dos, qu'il vous prend vos biens, hein, vous devez pas les combattre. Même si, ils font de l'injustice. Et après, les sahabes ont dit, oh, messager d'Allah, est-ce qu'on ne doit pas les combattre s'ils font de l'injustice comme ça et tout, et tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il confirme, il dit, non, vous ne devez pas les combattre tant qu'ils font la salat. Et dans un autre hadith, il dit, vous ne devez pas les combattre jusqu'à ce que vous voyez un coffre clair au sujet duquel vous avez une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est évidente. Donc ça veut dire, il n'y a pas de place pour nous pour commencer à utiliser notre logique ou notre raison là-dedans. Les choses sont claires et expliquées. Oui, mais là, c'est pas... Non, la question là, c'est que maintenant si tu parles nous on parle des pays musulmans et des dirigeants musulmans, mais quand on va dans des pays non musulmans, là, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte ici par rapport aux dirigeants non musulmans, c'est notre entente qu'on a pris avec eux en rentrant dans leur terrain, dans leur territoire. C'est du moment que toi t'es rentré chez eux avec une entente et que t'as signé un contrat ou un visa, ou dire que tu vas respecter et que tu vas pas leur transgresser dans leur vie, dans leur bien, dans leur personne, que tu vas pas être malhonnête ou tricher ou mentir ou voler, dans ce cas-là, tu es obligé de respecter cette entente-là, parce que tu as pris cette entente avec eux, et celui qui manque à son entente et qui trahit son entente, c'est comme s'il a trahi Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui parmi les musulmans qui tue un non-musulman avec lequel il y a une entente de paix, ou un pacte entre eux, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc ça c'est pour te dire à quel point c'est grave et c'est dangereux. Non seulement il trahit sa parole à lui, mais il trahit l'islam et les musulmans. Hein? Et Allah est son messager, pourquoi? Parce qu'il fait paraître par la suite tous les musulmans comme étant des traîtres, et des gens malhonnêtes, et des gens injustes, et des gens hypocrites. Et ça, c'est une trahison, donc, pour l'islam et les musulmans. Et ça s'appelle en arabe al-radar. Al-radar. Et al-radar, c'est justement ces gens-là qui font ces genres d'activités-là. Et il y en a plein de gens qui appellent à ça, justement, parmi les khawarij qui suivent les tendances de Ben Laden et déjà de ces mouvances-là, qui font partie des khawarij, des sectes déviées de l'islam. Et justement, en France, il y en a beaucoup, en Belgique et ailleurs. C'est donc, je t'avertis en même temps par rapport à ces gens-là, parce que c'est sûr qu'un jour ou l'autre, tu vas en rencontrer. Ben, on les appelle des khawarij, mais eux, ils ne vont pas se dire khawarij, bien entendu. Ils ne vont pas venir te dire, je suis une secte, je m'appelle khawarij. Hein? Mais tu vas les reconnaître par leur discours. Ils se concentrent juste sur les dirigeants. Ils parlent juste de ça. Et ils disent qu'ils sont des mécréants, puis qu'il faut les combattre, puis c'est ça. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y a des dirigeants plus tard qui vont venir, ils vont pas être sur ma sunna, et ils vont pas suivre ma guidance. Tu vas voir en eux du bien et du mal, des choses que tu vas aimer, des choses que tu vas pas aimer. Ouais, mais un musulman, il y en a qui sont, il y en a des, c'est vrai, en principe, un musulman, il est supposé d'être un bon musulman, de craindre Allah, d'obéir et de s'éloigner des péchés. Comme il y a des musulmans qui ne sont pas dirigeants, qui sont des musulmans comme nous, ordinaires, on va prier, on va jeûner, puis on fait des péchés en dehors de ça. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus musulman à cause des péchés? Non. Ben pour les gens qui suivent cette secte de la tendance des Khawarij, du moment que tu fais un grand péché, t'es un mécréant, automatiquement. Et ils disent ton sang et tes biens sont licites. Ils vont te dire non, ça y est, si ces dirigeants-là, ils ont fait un grand péché, ils vont être des mécréants et donc c'est permis de les combattre. Ou de les tuer, ou de, ainsi de suite. Bien sûr que c'est pas vraiment ça. Et puis, ils ont beaucoup de choubouhat, on n'a pas le temps d'en parler, mais on a des cours là-dessus. Si tu veux, Inch'Allah, les écouter, c'est qu'on expliquait justement que c'est pas tout, dans tous les sujets qu'on a besoin de faire une consultation. Il y a des sujets qui demandent un niveau de compréhension plus élevé. Et il y a d'autres sujets, des sujets desquels tout le monde est capable de comprendre parce que tout le monde en a ces choses-là en commun. Pas besoin de faire un stichard de consultation. Mais dans certaines choses, oui, il faut des gens spécifiques qui ont un niveau de compréhension plus élevé et c'est eux qu'on va prendre pour le conseil. Ce sont ceux qu'on désigne par le terme en arabe, Ahlul Shil wal Aqd. Ceux qui nous et qui dénouent. Qui ont un mot à dire dans les choses importantes de l'islam et de la religion. Donc, le cheikh il dit comment on peut comparer le système démocratique avec la Shura dans ce sujet-là. Donc, le cheikh il dit est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait la Shura, prenait la consultation des hypocrites et des ignorants à son époque dans les choses qui sont importantes ou dans les choses au sujet desquelles il y a. Il y a un bien qui est relié à la religion ou la dunya, ou bien est-ce qu'il prenait uniquement comme conseil, ou comme conseiller, ou comme personne pour aller consulter les gens qui ont, parmi les gens qui ont une compréhension, les gens qui ont une raison, qui sont posés, qui ont, un niveau de compréhension, un niveau intellectuel et ainsi de suite. Bien entendu, le cheikh il dit, bien entendu, il prenait les gens qui sont bien guidés, qui suivent la foi, qui la religion et la compréhension, et il ne prenait pas les hypocrites et les ignorants comme pour les consulter. Le cheikh il dit, فَإِنْ كُنْتُمْ كَانَ يَسْتَشِيرُ الْمُنَافِقِينَ وَمَنْ مَنْحَاهُمْ فَقَدْ كَذَبْتُمْ وإن قلتم لم يكن يستشيرهم رددتم على أنفسكم في جعلكم الانتخابات البدعية كالشورى لأن الانتخابات كما تقدم معناها استيفاء الشعب بعجره وبجره بعجره وبجره. Le cheikh il dit que si vous dites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait comme conseiller les hypocrites et ceux qui suivent cette tendance, alors vous avez menti. Et si vous dites non, il ne prenait pas les hypocrites, dans ce cas-là, vous êtes réfuté vous-même en disant que les élections qui sont une innovation par rapport à l'islam sont comparables au système de Shura dans l'islam. C'est sûr que vous vous êtes réfuté et contredit à ce sujet-là si vous dites qu'il ne prenait pas les hypocrites comme conseillers. Car les élections, c'est de demander au peuple de décider qui va être le dirigeant, et ainsi de suite. Le chef dit, « Fattakullah ya du'at al-intikhabat, wa la talwu a'naq al-nusus li tuwafiq ma tahwawna. Wa tazakkaru qawlahu ta'ala, إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وتذكروا قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون البقرة يا قوم هذه تفاسير السلف لهاتين الآيتين فأين وجه استدلالكم منها على جواز الانتخابات إن كنتم تعقلون أنتم أعلم أم السلف؟ قال ابن القيم رحمه الله إن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين، إما أن يكون خطأ في نفسه، وإما أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ، ولا شك أو ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف. الشيخ explique maintenant, il dit donc craignez Allah, ô vous qui appelez aux élections, et n'essayez pas de tordre le cou des textes du Coran et de la Sunna pour les faire rentrer en accord avec ce que vous souhaitez ou en accord avec vos passions. Et souvenez-vous du verset 17 et 18 dans Surah Qaf. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et lorsque les anges qui sont à droite et à gauche prennent note, ils sont assis à droite et à gauche de nous, et ils écrivent tout ce qui sort de notre bouche, il n'y a pas une parole qui sort, excepté qu'il y en a un de ces anges-là qui est assis et qui est prêt et qui écoute tout attentivement ce qu'on dit, et qui écrit tout ça. Donc, faites attention et craignez Allah, parce que tout ce que vous dites, ça va être enregistré contre vous. Et aujourd'hui, on remarque que, comme Cheikh, je ne rappelle plus si c'est Cheikh Al-Fawzan ou Cheikh Ibn Uthaymeen qui disait ça dans une cassette, il dit c'est incroyable la situation des fils d'Adam aujourd'hui, des êtres humains. C'est que non seulement les anges nous enregistrent et écrivent tout ce qu'on dit et ce qu'on fait, mais en plus de ça, on a maintenant des enregistreuses et des trucs, des caméras pour enregistrer par-dessus qu'est-ce que les anges enregistrent, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, Donc c'est encore pire, Et il y en a qui font très très attention, qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils font devant des caméras ou devant des caméras ou bien devant des enregistreuses. Mais quand ils sont en dehors de ça, soit par exemple en train de parler à la maison ou devant leurs amis ou autres, ils oublient que même s'il n'y a pas de caméra, même s'il n'y a pas d'enregistreuse, rien, Allah ils enregistre, et les anges enregistrent leurs paroles et enregistrent leurs actions, et qu'au jugement dernier, ils vont avoir ça devant eux. Donc ça veut dire, pourquoi vous craignez de ces caméras? Alors que qu'est-ce qui vous attend au jugement dernier si vous faites des choses même s'il n'y a pas de caméra? Mais sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait et il l'a enregistré et que vous allez le voir. Donc c'est ça l'attitude des musulmans aujourd'hui. Non, il faut avoir une belle image à la télé. Ouais, mais c'est juste à la télé. Mais en dehors de la télé, c'est pas grave. Subhanallah, ils pensent que les koufars, l'image qu'ils ont des musulmans, c'est juste par rapport à qu'est-ce qu'on montre à la télé. Mais c'est faux. Et en plus, le danger dans tes paroles et dans tes actions, c'est pas seulement quand c'est enregistré par une caméra. Qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu fais quand tu montres ça aux gens en privé? Toi, comme par exemple, tu vas poser des questions sur l'islam à quelqu'un en privé, il te dit des choses, n'importe quoi. Et puis quand il te parle en public, à la télévision, il dit n'importe quoi. En privé, peut-être il va dire la vérité sur l'islam. Ça c'est les gens de Bid'a. Tu lui poses des questions en privé, il va peut-être te dire la vérité sur l'islam. Mais quand ils sont devant la caméra, une autre islam apparaît. C'est comme si c'est une autre réalité. Ils vont pas dire la réalité de qu'est-ce que Dieu dit dans certaines questions. Parce qu'ils veulent pas, soi-disant, être choqués ou choquer les autres, mais dans le sens que, en réalité, il n'y a rien de choquant par rapport à la vérité. C'est juste que, ils savent que les koufars aiment pas la vérité. Et donc, pour faire en sorte que les koufars, ils ne soient pas choqués de la vérité, ils défendent la vérité pour plaire aux koufars. Et ça, c'est dangereux et c'est grave. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Donc quand tu lui parles en privé comme ça, face à face, tu lui demandes qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des gens qui font par exemple l'adultère, ou qui font la fornication ou qui font ces choses-là. Ou c'est quoi la punition dans l'islam pour celui qui vole? Là, tu vas lui voir qui va répondre, il dit la vérité. S'il est devant les médias, on lui demande, par exemple, comme certains comme Tariq Ramadan ou d'autres, est-ce que dans l'islam il y a la lapidation pour la personne qui fait l'adultère? Il dit, oh, moi je suis contre, je dis que ça c'est pas applicable, puis je dis qu'il faut faire un moratoire, et yani, ainsi de suite. Yani, commence à tourner en rond et tout et tout et tout, hein. Sauf que le pire à son sujet, ce gars-là, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il le dit pas juste en public devant la caméra, il le dit même en privé. Il le répète, même ce mensonge-là, il le dit même quand il est seul avec des musulmans. C'est parce qu'il croit en son mensonge, hein. C'est grave, hein. Là, c'est ça. Donc, ça c'est juste un exemple. Donc, par rapport à ça, donc, le chef dit, faites attention et craignez Allah. Et après, il dit, et craignez le jour où vous allez être ramené à Allah subhanahu wa ta'ala. Et yani, sachez que chaque âme sera rétribuée pour qu'est-ce qu'elle a acquis et nul ne sera lésé par quoi que ce soit. Et il dit, les gens qui appelaient à la démocratie et les élections, voici l'interprétation des salafs de ces deux versets qu'on a mentionné pour vous qui parlent de la Shura. Alors, c'est quoi vos arguments ou votre preuve dans ces interprétations-là par rapport au fait que vous dites que c'est permis de participer aux élections si vous utilisez vraiment votre raison et votre bon sens? Est-ce que vous comprenez mieux ou vous savez mieux ou bien les salafs? Est-ce que vous pensez que vous comprenez mieux l'islam ou les salafs? Après, le cheikh dit, regardez ce qu'il dit l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il dit que d'inventer une parole dans l'interprétation du Coran qui est en contradiction avec les paroles des salafs et des imams de tafsir, ça implique deux choses. La première chose, ça implique que soit que ta parole est une erreur en soi-même, ou soit que les paroles des salafs est une erreur. Et bien entendu, toute personne qui a la raison sait très bien que c'est ces gens-là qui méritent plus d'être traités d'être dans l'erreur que la parole des salafs. Donc si par exemple, quelqu'un interprète le Coran et explique le Coran, et que les salafs ont parlé de ces versets-là et ils les ont clarifiés auparavant, t'as pas le droit d'inventer ou d'amener quelque chose qui va venir en contradiction avec la parole des salafs au sujet de ce verset-là. Donc si par exemple les salafs, les imams parmi les sahaba et les tabi'in, ont parlé d'un verset, ils l'ont clarifié comme il faut, hein, et que les imams de tafsir ont tous mentionné exactement la même chose au sujet d'un verset, toi aujourd'hui en 2008 ou avant ou après, peu importe, tu peux pas venir avec une interprétation qui contredit l'interprétation que les imams des salafs ont ramenée auparavant et qu'ils étaient tous d'accord dessus. Tu peux ramener, quelqu'un peut donner un tafsir qui va, disons, rajouter de la clarté ou clarifier le verset et ça va dans le même sens que la parole des salafs. Mais tu peux pas ramener quelque chose qui contredit l'explication des salafs salih. Hein? Et c'est pour ça, dernièrement, justement, je lisais, il y a un verset qui dit dans le Coran, le verset 34 dans Surat An-Nisa, hein, qui dit que les hommes ont autorité sur les femmes à cause de la précédence que Allah a donné, la préférence que Allah a donnée sur eux par rapport à elles, et à cause des biens qu'ils dépensent pour elles, ainsi de suite. Et ensuite, à la fin, il y a la mention du fait que si tu trouves une femme qui est désobéissante, alors donnez-leur l'exhortation, et ainsi de suite. Et à la fin, il y a « wadribuhun » et « frappez-les à la fin ». Et bien le verbe « wadribuhun », hein, il y en a qui ont essayé de l'interpréter d'une façon, subhanallah, ils sont retournés à des dictionnaires modernes et qu'ils ont sorti des dizaines de significations pour le verbe « daraba », des significations qui sont toutes différentes les unes les autres, et puis ils donnent des exemples, par exemple le verbe daraba, Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple wadribu fil ard, yani en voulant dire voyager, et ainsi de suite, ou partir sur la terre, ainsi de suite. Donc il dit, ah, ben Taraba, ça peut vouloir dire ça, ça peut vouloir dire ça, ça peut vouloir dire ça. Oui, c'est vrai, selon le contexte, un mot peut avoir plusieurs significations. Sauf que dans ce contexte-là, précisément, tous les salafs et tous les imams de tafsir nous ont tous dit la même chose. Il n'y a pas de contradiction entre eux à ce sujet-là. Donc tu ne peux pas, toi, aujourd'hui, venir en 2008, puis ramener un tafsir qui est contraire à leur tafsir. Et la même chose pour la dîme, et la même chose pour le tafsir de la Shura. Tous les imams sont tous d'accord, depuis le temps du prophète jusqu'à aujourd'hui, sur la signification de la Shura, puis comment l'appliquer. Donc toi, tu ne peux pas venir maintenant aujourd'hui au XXe siècle, puis tu te dis, c'est la démocratie. Ça, c'est comme si tu essaies de dire, bon, tout ce que les salafs ont dit auparavant, c'était pas correct. Eh bien, il leur manquait une compréhension. Là, ça y est, maintenant, tu viens compléter l'islam. A'oudou billah, l'islam, il est complété déjà, comme on l'avait expliqué dans d'autres cours. Donc, c'est soit que toi, tu es dans l'erreur, et c'est ça la réalité, ou bien soit que les salafs sont dans l'erreur, et bien entendu, ça, c'est pas la vérité. Donc, le chef, il dit, قلت نعم. لا شك. لا يشك. عاقل. أن قول دعاة الانتخابات في هاتين الآيتين أولى بالغلط والخطأ من قول السلف إن الإنسان قد يستشير أولاده في قضية أسرية عائلية وما شابه ذلك أما أمور السياسة فكما تقدم فإنها تعود إلى أهلها من أهل الحل والعقد والله أعلم. Donc le chef dit quelqu'un peut, un être humain peut demander le conseil de ses enfants dans une question familiale, une question qui a rapport avec la famille, et des choses pareilles. Mais en ce qui concerne les questions politiques, est-ce que c'est une question rapport à ces choses-là, ça revient aux gens spécialisés dans le domaine qui ont une aptitude, une capacité de le faire, wallahu a'lam. Et ça me fait penser justement aux arguments que les Ikhwan justement donnent quand ils veulent parler du fait que la femme dans l'islam, elle est égale à l'homme dans tout, puis que même dans la politique, elle a le droit de donner son point de vue, elle a le droit de donner, par exemple, de voter, et ainsi de suite. Et ils disent, ils donnent par j'en entendais un justement qui donnait ça comme exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, même dans l'allaitement, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle dans le Coran et il dit que dans le couple, il doit se consulter à ce sujet de l'allaitement dans le couple pour savoir si ils veulent allaiter, et ainsi de suite. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. C'est ça le verset. Oui. Et si après s'être consultés tous deux tombent d'accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Donc ils prennent ça, ils prennent ce verset-là, puis ils disent, regardez, même dans les questions comme ça, il faut même se consulter dans des questions comme ça dans la famille. Et donc ça prouve que y a pas l'homme n'a pas l'autorité absolue, il doit consulter sa femme. Et ils essaient d'interpréter ça de cette façon-là, alors que ça n'a rien à voir. Déjà, le fait qu'il doit consulter dans ces affaires-là, ça prouve que la consultation, c'est pas dans n'importe quelle question. Et il y a une différence entre les questions d'État, de choisir le dirigeant, et d'allaiter, et l'allaitement. Donc, de comparer ces deux affaires-là, déjà, il n'y a pas de comparaison. Puis, deuxièmement, même si tu vas consulter, un mari va consulter sa femme ou ses enfants dans un sujet quelconque, est-ce que ça veut dire que si ses enfants ou sa femme lui disent, oh ben, je pense qu'on devrait choisir ça, qu'il est obligé de prendre le conseil ou de suivre le point de vue de sa femme? Bien sûr que non. Il peut être d'accord parfois avec l'opinion ou le point de vue de sa femme, mais parfois aussi il peut trouver qu'ils ont tort et puis décider de prendre une autre décision. Et donc de comparer ça justement avec la consultation, ça c'est de comparer la consultation avec la démocratie et tout, donc ça bien entendu c'est une déviation, une déformation de la réalité. Ça peut être, c'est parce que tu dois comprendre que ça, c'est vrai que l'allaitement ça concerne elle parce que elle c'est elle qui va allaiter l'enfant. Toutefois, l'enfant c'est dans l'islam l'enfant c'est l'enfant du père avant tout. Hein? Puis quand on appelle l'enfant, on l'appelle par le nom du père. Hein? Et donc c'est le père qui décide pour son enfant et non pas la mère. Et ça c'est clair dans le verset. Mais bon. Donc, on en reparlera de toute façon de ça.